émission rap de référence. Are you ready for this? Pour une heure de direct et nouveau son en exclu dans toute la France. Tous les soirs sur Skyrock, 20h-21h, Planète Rap avec Fred. Ce soir, Planète Rap spécial DJ Hamida. Passez une bonne soirée, bienvenue dans le Planète Rap, une nouvelle semaine qui ouvre avec DJ Hamida qui est là. Comment ça va? Tranquillement, et toi Fred? En pleine forme? Très très bien. À la bien mix party. On est là. Bon, et ben merci déjà parce que c'est vrai qu'on débute cette semaine. On l'avait dit, Jules devait être présent cette semaine pour pour de graves raisons. Évidemment, il ne peut pas faire ce Planète Rap. Toi, t'as répondu présent, t'es venu, merci. Donc merci, voilà, merci, merci d'être là. Et puis on a une pensée surtout pour grosse pensée à Charlie. C'est quelqu'un que je connaissais beaucoup. Mm-hmm. Donc, grosse pensée à Jules et tout l'entourage, toute l'équipe de la Liga One, à la Liga One et tous leurs proches en tout cas. Ouais. On aura une pensée pour vous cette semaine. On mettra d'ailleurs le morceau Brigmenté puisque Jules a sorti un projet. C'est pour ça qu'on devait le recevoir cette semaine, qui s'appelle La Crise au Mic. Yes. On passera le morceau d'ici quelques minutes. Là, on va se consacrer à ton projet qui lui est sorti il y a le 2 juin. Le 2 juin, ouais. Lundi 2 juin. Lundi 2 juin, il y a 2 semaines, et qui marche fort. Ouais, très très bien. T'es content? Ouais, très bon retour. Parce que l'aventure à la bien mix party, elle a débuté il y a quelques années déjà. Elle a débuté depuis 2006-2007, c'était des mixtapes. Des mixtapes. Et je faisais quelques inédits, et là j'ai décidé de sortir que des inédits, donc j'ai fait 30 inédits. Bon, et puis il faut savoir que toi t'es un DJ qui tourne dans le monde entier aussi. International. International DJ. C'est vrai que c'est... Non, mais c'est une belle aventure, on va revenir sur ton parcours. Il n'y a pas de problème. On va parler un petit peu de ton parcours évidemment ce soir. Il y a des invités qui sont présents, puisque c'est un projet de titre inédit celui-ci. Voilà. C'est un projet de titre inédit, donc là j'ai invité avec moi monsieur l'artiste. Ah, t'es pas galant, Go. Hein? T'es pas galant? Non, c'est meilleur pour la fin. Ah, d'accord, non, tu t'en sors bien. Bon, on va saluer l'artiste. Ça va, monsieur l'artiste? Ça va, Fred? En pleine forme? Ouais, très très bien. T'étais venu, toi d'ailleurs, pour le Planète Rap il y a quelques semaines. Exactement. Invité par celle qui est là aussi, et je voulais que tu sois galant, Hamida. Donc non, tu as intérêt de mettre les formes. C'est la frangine. Ah, c'est la frangine, c'est pour ça, ouais. Ça va bien, Kaina? Ça va, Fred, et toi? Écoute, en pleine forme. Eh ben écoute, la pêche, hein. Prêt pour une nouvelle semaine, donc tu nous avais présenté d'ailleurs ce titre là dans ton Planète Rap. On l'avait fait en live, c'était le Sbeul dans le studio, ouais. Avec Rimka et l'artiste aussi. Ouais, avec Rimka et l'artiste. Et je me rappelle même que tu avais levé les bras. C'est ambiancé, Fred, quand même. Je pense que je vais les lever toute la semaine dès qu'on mettra le morceau, ne vous inquiétez pas. Ça déchire. Ça va alors. Ça déchire. Karim qui est là aussi. Les Rimkus, le Bilkus. Voilà. Azul. La Kamija. Azul. La chemise de Barbès, il a mis. Non, Rimka, il est un peu tendu parce que c'est vrai que là, les Allemands viennent de mettre 4-0 au Portugal. Demain, l'Algérie joue. Donc, on fera un petit pronostic. On fera un petit jeu Coupe du Monde aussi dans la semaine, certainement avec toi, DJ Hamida. Non, y a pas de problème. Et, tiens, pour avoir un petit aperçu de ce que tu fais, on a préparé un petit medley. Alors, il y a des morceaux récents. Ouais. D'autres un peu moins. Ouais. Si ça te dit, on l'écoute. Ok, c'est parti. Voilà, DJ Hamida, c'est lui avec tous les artistes présents sur ses projets à la bien mix party. Skyrock. Tu remets ça. DJ Hamida. Numéro 1. DJ Hamida. Me prendre la tête, Paris, bye bye. J'm'envole pour Hammamet. Qu'est-ce que j'ai fait de me faire? Hey, réveillez-moi. Paris, Marrakech, l'artiste est DJ Hamida. Que n'apprends qu'à ma tête. C'est la salle orientale, Marocaine du Poir, pour vous des gars. Pour vous mettre de l'eau, j'ai allé l'eau. Y'a le mec, mais c'est lui. Prenez vos routes, vous verrez. Gram, gram, picole, picole, tu te sens mal, bourre à l'hôtel ratatam. Gram, gram, gram, gram, gram, picole, picole, tu te sens mal, bourre à l'hôtel ratatam. Gram, gram, gram. Voyou comme José Anigo, mec de la night, mode de vie célibat. Les grosses qui te suivent, je pars aux Pays-Bas. Hein. Laisse-les dire que je suis mégalo, je suis Balotelli, je m'en bats les calots. Plus connu sur des beats au piano, je pue le rap et la rue comme le Ralchiano. Elle est verrue, on a les chutes de toi, je roule les toiles. Voilà, dans Planète Rap, ce petit medley, un court medley de tes talents. Toi qui sais réunir les gens, DJ Amida, ouais, sur tes projets. Il y avait un medley un peu de tout là. Ouais, un petit peu de tout. Elle a bien mix parti dans les bacs depuis le 2 juin. On va en parler dans quelques minutes. On balance. Est-ce qu'on balance pas ce morceau? Mais j'ai envie de lever les bras. Je commence à être un peu chaud. Ah, c'était joli. Attends, c'est pas mal. Hein. Ah, c'est joli, c'est mignon comme tout. Ah, ça fait plaisir. Non, mais. Est-ce qu'on mettrait pas le déconnecter tout de suite là d'entrée de jeu là? Parce qu'il y a déjà, il est 20h. On fait découvrir un peu à ceux qui connaissent pas. C'est déconnecté. Donc il y a Rimka qui ont fait un gros big up. Qui a pas pu big up à toi, frérot. Donc l'artiste, Amida, moi-même, qui allait se mettre. Et toi aussi. Allez, c'est parti. On y va, déconnecter cet extrait de la bien mix party. J'ai besoin d'air, claquer la porte, partir, jeter la clé. J'ai dit j'ai besoin d'air, couper mon fan et me barrer tout l'été. Et moi je veux voir des visages briller. Voir mes potos kiffer, l'odeur de la viande grillée. On est tous là pour kiffer. J'me suis déconnectée, j'ai laissé tous mes problèmes de côté. J'me suis déconnectée, je mettrai ce répondeur tout l'été. J'écouterai Kiki, du Tupac pour m'ambiancer. Posé au bord d'une piscine, j'ferai la belle comme Beyoncé. Ne m'appelle pas, j'suis pas là. Je suis avec mes gars, je suis sous le soleil et je me balade. Ne m'appelle pas, je suis pas là. J'efface mon pas, c'est maudit. J'ai mis les bagages dans l'audit. Je suis sur le ciel gris de Paris. Mais je veux la même vue qu'à Bali. Le quotidien m'a rendu écrit. Donc je démarre la caisse. Les vitres et les lunettes fumées au feu rouge. Donne toujours une petite pièce. Je débranche Twitter, Facebook, tout ce qui casse la tête. Dans le sud de l'Espagne, je pars faire la sieste. Ne m'appelle pas, je réponds plus. Un peu de weed, un peu de thune, je suis frais, je me fais bronzer les plumes. Je coupe le son et les marches, je fais un bisou au village. Dis-leur que j'ai pris le large. Je me suis déconnecté, j'ai laissé tous mes problèmes de côté. Je me suis déconnecté, je mettrai ce répondeur tout l'été. Et j'écouterai du Biggie, du Tupac pour m'ambiancer. Posé au bord d'une piscine, je ferai la belle comme Beyoncé. Ne m'appelle pas, je suis pas là. Je suis avec mes gars, je suis sous le soleil et je me parle. Hey. Ne m'appelle pas, je suis pas là. J'ai dit Nida. Hey, sur Sky. Le téléphone fait que sonner. Désolé, je suis pas là. Hey gros amant, tu vas parler. Automate, t'es malade. Et hey, aujourd'hui, faut que je me barre sur Sky. Je suis pas là, là, là, là, là, là, là. Je désactive mes comptes, je suis avec mes gars. Je suis sous le soleil, je me balade. Ne m'appelle pas, je suis pas là, là, là, là, là, là, là. Je désactive mes comptes, je suis avec mon bras. Je suis sous le soleil et je me balade. C'est du lourd, faut aller le chercher. Dans les bacs, la famille. Ouh, elle a bien mix party à l'instant. Ce morceau qui s'appelle Déconnecté. On retrouve Kaina, on retrouve l'artiste qui est là avec nous. Et Rimka aussi du 113 qu'on salue évidemment sur ce morceau Déconnecté. Avant de parler de elle a bien mix party, j'aimerais qu'on fasse un petit CV express de toi, DJ Amida, pour les gens qui te découvrent aussi cette semaine, qui vont te découvrir. Donc toi, c'est un parcours évidemment de terrain, beaucoup, beaucoup de soirées. Beaucoup de soirées, beaucoup de mixtapes. Beaucoup de mixtapes. Donc voilà, on a commencé par les mixtapes et suite aux mixtapes, elles ont fait un petit buzz et puis ben, on a commencé à faire des soirées un peu partout. Et voilà. Toi, tu viens d'où, toi, à l'origine? Moi, je suis originaire de, je suis à côté de, je suis en Bourgogne, moi. En Saône-et-Loire, en Saône-et-Loire. Qu'est-ce que tu rigoles, toi? Oh, le tacle de Rimkus. Ouais. Oh, on sent bien, sans Bourgogne. Alors attends, c'est quoi le problème? Et alors la moutarde de Dijon, tu veux dire? La mayonnaise de Dijon. Ouais. Wow, t'es pas si loin, toi. Rimka, tu veux afficher là? Mais non, mais là, il a une chemise dégueulasse en plus. Non. J'ai la même. Donc j'ai la même. Aujourd'hui, mais j'ai la même. Donc j'aimerais qu'on tape pas trop sur ce genre de chemise. Ils ont pris un lot. On l'a eu en effet. Parlons. Ouais. Non, donc toi, évidemment, donc c'est la Bourgogne. Ouais, la Bourgogne, Mont-Saint-Émilion 71-300. Voilà, le 7-1 en force. Oui, frère. D'où ton nom d'ailleurs. Sur les réseaux sociaux, voilà. Qu'on te suit, c'est toujours le petit clin d'œil au 7-1. Voilà, toujours. Toujours, toujours. Et donc toi, tu commences à mixer à quel... c'est quoi la découverte des platines? Ouais, la découverte des platines. Moi, c'était Cut Killer. Cut Killer, et puis bah, après, on a commencé à investir la première platine, première mixtape il y a 10 ans, en 2004. Mais c'est quoi, tu fais des petites soirées à côté de chez toi au début? Ouais, ça commençait à côté de chez moi. Après, bah, ça commençait plus sur les mixtapes, et après, ça c'est, j'ai commencé un peu dans le sud, du côté de Toulouse, Montpellier, Arles, Marseille. Après, c'est remonté ici. Après, ça a été au Maroc, Algérie, Tunisie. Après... C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu touches les platines, tu dis je veux faire ce boulot, quoi. Ouais. C'est-à-dire que je veux, voilà, je veux pas que ce soit qu'une passion. Ouais, ça a été une passion, mais après, voilà, je me suis dit j'aimerais bien en faire mon métier, et voilà. Donc, tu regardes ce qui se passe, il y a évidemment à la grande époque, il y a les cassettes, il y a les tapes qui sortent. On a signé les mixtapes de DJ Lamsey. Les mixtapes, ouais. Posca, toute la clique, ouais, c'était magnifique. Et toi, tu dis, je vais faire ça, mais avec les technologies de maintenant, donc c'est pour ça que t'as balancé pas mal de digital tape. Voilà. Donc voilà, ouais, ça s'est fait en des podcasts, et après, je sortais les mixtapes, et on a suivi l'évolution, quoi. Et là, l'album, c'est une première, celui-ci? Première fois. Ouais, premier projet officiel que je sors. Ça fait, du temps que t'es dessus, ou pas? C'est beaucoup de boulot? Moins d'un an. Parce qu'il y a du monde dessus. Ouais, il y a du monde dessus, mais moi maintenant j'ai commencé au mois de octobre, novembre, pour la préparation des prods, et puis ben jusqu'à maintenant. Quoi. Les prods, c'est toi qui fais tout aussi ou tu... Moi et on est 3-4 dessus, 3 collègues, j'en ai un qui est à Toulouse, un pote à moi. Donc je passe une dédicace, Bachir, Prod Veiler. J'ai un ami à moi de Bruxelles aussi, The Magix, Nordine et Salah, je vais passer une grosse dédicace. Ryzé, celui qui a fait la prod de Déconnecté. Et voilà, il y a un peu tout le monde. Maikovic aussi de Lyon. Donc je travaille avec plusieurs beatmakers. Ouais. Et on fait de la co-compo tous les deux. Bon, alors ce morceau Déconnecté qu'on écoutait à l'instant. Ouais. Toi, t'as vu tout de suite Kaina dessus, l'artiste, Rimka, tu t'es dit ça. Ouais. Ça, c'est leur morceau. Voilà, c'est ce qui s'est fait. C'est ce qui s'est fait. Non, donc on est en studio, c'est ça? Ouais, voilà, moi, il m'a fait écouter une prod. Ouais. La prod en question. Et je trouvais que c'était funk, bien frais et tout ça. Donc après, on a cherché à. Voilà, développer un truc qui allait rassembler les gens, qui allait donner du soleil et quelque chose de positif, quoi. Donc on s'est dit, qu'est-ce qui pourrait rassembler tout le monde? Et voilà, l'envie de partir au soleil et se déconnecter, etc. Donc après, l'idée nous est venue en studio. Ouais. Et voilà, c'était beaucoup d'amusement, en fait. On s'est amusé à faire le titre. Et donc, c'est vrai, même là, quand vous êtes dans le studio, vous éclatez encore à le faire. Je voyais l'artiste, je regardais toi. Ben, on se connaît bien et c'est l'équipe, quoi. On se croise souvent. Donc, c'était un plaisir pour nous de partager ce son. Et puis de voir surtout le retour des gens. Tu vois, la jambe de Marrakech, il y avait le son partout dans les voitures. Ouais. Faut voir en concert aussi. Ouais. Ils montrent en soirée. Moi, je le fais en soirée, c'est abusé. Tout le monde le connaît par cœur. Ouais. Donc, il y a vraiment un super accueil et voilà, ça fait plaisir de pouvoir communiquer comme ça, de la bonne humeur et de faire plaisir aux gens avec toi. Tu vas souvent mixer Maroc, c'est chez toi, c'est la maison. Ben, samedi j'y suis. Ouais, voilà. Samedi je mixe au Maroc déjà. Mais c'est vrai que c'est un peu la maison. Ouais, c'est la maison là-bas. Ouais, c'est la maison. Et donc ouais, Maroc, tu témoignes, c'était ouais, non mais franchement, dans les voitures et tout, ça tourne, quoi. Donc on est content. C'est bon signe. Bon, on écoutera d'autres titres dans un instant. Il y aura du live aussi avec vous. Okay. L'artiste, oui. Ouais. Je suis chaud. Kaina aussi. Ouais, je suis là. Parfait. Et juste avant, on avait promis de mettre le morceau justement de Jules Brigante. Ouais. Son projet sort aujourd'hui, il est sorti aujourd'hui, la crise au mic. Il veut passer dans Planète Rap. C'est pour ça qu'on remercie une fois de plus Amida d'avoir répondu présent. Et puis les événements de la vie font que parfois c'est compliqué. Là, en l'occurrence, c'est très très dur. C'est une période dure. Donc on a une grosse pensée pour Jules, pour son son équipe. Ouais, à lui, à toute la Liga One, Sosomanes aussi. Kamikaze, toute la clique. Et on écoute Brigante maintenant sur Skyrock dans le Planète Rap de DJ Amida. Jules avec Brigante, extrait de son projet. Cette hit-née aussi, qu'on balance un morceau de Jules. Ouais, j'y tiens beaucoup. C'est un artiste que j'aime beaucoup. Donc, je connaissais super bien Charlie, Larahmoud. Donc, ça me tenait à cœur de lui faire un petit big up. DJ Amida avec nous toute la semaine dans Planète Rap entre 20h et 21h avec Kaina qui est là. Kaina, dis donc, j'ai vu que ton album a été décalé. Ouais, mon album est décalé au 22 septembre. Ouais, je suis deg. Écoute, on va laisser passer l'été et voilà, ça. Bon, c'est vrai qu'après juin, il y a vite le Ramadan qui va enchaîner. Ouais, voilà. Donc écoute, sur une décision de la maison de 10, je suis assez deg, mais ça sort le 22 septembre. Donc à tous ceux qui me suivent et qui étaient là au Planète Rap il y a quelques semaines, ça sort le 22 septembre, donc restez branchés. Hein. J'arrive. Donc 22 septembre dans les bacs. Thug Wife, yeah. Thug Wife, le nom a pas changé. Non, non, y a rien qui a changé. Y a rien qui a changé. Et la date. Voilà. Et l'album arrivera donc le 22 septembre. Voilà. À noter d'ici là pour vous régaler pour l'été. Bah, vous avez ce morceau, bah, notamment. Voilà. Donc avec, on passe l'été Kaina. Ensemble, voilà, avec Déconnecté et puis la suite à la rentrée. Il y a l'artiste aussi qui prépare son projet. Bah, j'allais venir. Ouais, et ben voilà. Ah, c'est là, c'est bientôt toi aussi. Ouais, je bosse dessus là. J'ai bientôt fini. D'enregistrer tous les titres et puis ça va on va essayer de sortir ça pour octobre je pense voilà. Que donc fin octobre. D'année 2014 ouais voilà. Exactement à la rentrée et ouais. Pour avoir écouté bon c'est pas parce que c'est l'équipe hein. Je suis très objective franchement c'est du lourd parce que ça rappe ça chante ça part dans tous les sens c'est éclectique et je pense qu'aujourd'hui c'est bien d'être un artiste qui peut aller autant dans des choses assez personnelles, assez émotionnelles et rassembler les gens, faire danser, avoir des nouvelles couleurs musicales. C'est riche en tout cas, c'est riche. Donc suivez-le, c'est l'artiste. J'ai mon ambassadrice. Ah bah là, merci Kaina. Non, normal, c'est juste la vérité. Bon, et ben on suivra ça donc pour courant ouais. De fin d'année 2014. Et d'ici là, je le disais avec le projet à la bien mix partie, on mettra l'intro dans quelques minutes. Ok. Parce que ça, c'est important dans les tapes ouais. Justement de mettre ouais. Une intro, c'est un petit une aperçu, outro. Voilà, ouais, c'est un petit aperçu de ce qu'il y a sur la compile. Et ben c'est ce qu'on pourra écouter dans un instant. Et puis il y a aussi, alors t'es venu avec des cadeaux cette semaine, Mida. Ouais, on offre deux chichas par soir, Ouki. Arrête. Les chichas portables, les fameuses ouais. Chichas portables. N'oubliez voilà. Pas, Jamel. Elles arrivent d'ailleurs. Là. Ah, elles sont en train d'arriver. Donc elles sont en train d'arriver. Ouais. Ah bah oui, ça y est, elles sont en train d'arriver. Alors pour la première chicha, je propose que je pose une question maintenant. Ok. Et puis pour la deuxième, on va voir, soit on filera au freestyler, vas-y. Soit on filera à quelqu'un d'autre dans un okay. Instant. Donc pour la question, c'est très simple. Tiens, ça t'avait fait beaucoup rire il y a quelques minutes. De quelle région de France vient DJ Hamida? Si vous avez la bonne réponse. Où fait-on la mayonnaise? Ouais, c'est ça. L'indice, c'est où fait-on la mayonnaise? Allez-y, 41-759. De quelle région de France vient DJ Hamida? Vous balancez au 41-759 avec le hashtag DJ Hamida sur Skyrock. Ça arrive direct dans le studio. Les images sont dispo sur skyrock.fm. Et dans quelques minutes. Qu'est-ce qui t'a fait rire? Les réponses. Ah non, pas la ville. Pas besoin de mettre la ville. Juste la région. Si vous êtes calé en ville, parce que là, je vois un peu de tout et n'importe quoi dans les villes. Donc. Au moins la région c'est simple. Ouais. Allez-y, 41-759. Hey, ça a marché ton indice. T'as vu, ouais, voilà, direct. Beaucoup de gens qui ont été à la même école que Rimka. Ils savent très bien où on fait la mayonnaise. Ouais. Bon, bougez pas, on revient dans quelques minutes sur Skyrock avec l'intro de ce projet à la bien mix party qui est dans les bacs depuis le 2 juin. Le 2 juin. Comme toi, DJ Hamida a choisi Planet Rap. 20h-21h, tous les soirs sur Skyrock. C'est à la bien mix partie, l'album qui est dans les bacs depuis le 2 juin avec DJ Hamida, notre invité toute la semaine, avec Kaina qui est là aussi. Kaina Samet est là, l'artiste yes. Est là aussi. Yes. Il y a du live qui se prépare. Et puis juste avant la pub, j'ai posé une question. De quelle région de France vient DJ Hamida? La réponse avec Kamel de Toulouse. Salut Kamel. Ouais, salut tout le monde, Kaina, tout le monde. Salut. Bienvenue Kamel, en pleine forme. Ouais, ça va, tranquille. Hein. Bon alors, est-ce que tu as la bonne réponse? C'est la Bourgogne. Bien, exact, Mont-Solémine, pour être très précis, Mont-Solémine et non pas Dijon, comme beaucoup ont envoyé, mais ça c'était l'indice qui a... Ouais, la mayonnaise, déjà. Tout le monde le sait, la mayonnaise vient de Dijon. Donc, voilà. Comment tu fais pour venir de là-bas, toi? Oh, l'agression, Kamel. Comment tu fais pour venir Tu viens quoi? On en bateau? On vit très très bien. En calèche? On vit très très bien. Non. Défends un petit peu Mont-Solémine, regarde là. C'est où j'ai grandi, c'est où je vis encore. Mais j'y suis presque jamais avec les tournées, les studios et tout. Je suis plus souvent sur Paris. Mais à la base, mes parents sont encore là-bas. Mais t'as des bons souvenirs? Mes meilleurs souvenirs sont là-bas, c'est là-bas que j'ai commencé. Donc. Voilà, regarde Kamel. Toi, à Toulouse, ça va bien? Tu viens à Toulouse plutôt? Ouais, toujours on est à Toulouse, t'inquiète pas, on vient souvent à Toulouse. Bon, mais nickel. Et Kamel, pour toi, la chicha électronique qui vient d'arriver à l'instant même, elle est là, regarde. Hop, je sais pas si t'as la vidéo. Je peux lâcher juste un petit message vite fait? Vas-y. Ouais, Soumaya, désolé, j'ai arrêté la chicha, mais bon, elle était offerte, donc. Et bah voilà, donc tu vas la filer à quelqu'un. Ouais, mais l'excuse. Et l'album dédicacé aussi à la bien mix partie qu'on t'envoie du côté de Toulouse. Ah, mais merci, ça marche. Petite dédicace, petit message à passer, Kamel? Bah, c'est bon, je viens de le passer. Soumaya. Ah, oui, bah c'est tout, mais Soumaya, d'accord. Ouais. Mais t'as plus de potes en fait, juste t'es Soumaya. Voilà. Ouais, bon, ça suffit. Ouais, ça suffit. C'est mignon. Bon, passe une bonne soirée, merci à toi, Kamel. Allez, ciao tout le monde. Salut. Ciao, ciao. Ouais. On avait promis l'intro de l'album, on y va ? Vas-y. Allez, bah, coup d'envoi de cet extrait qu'on écoute maintenant. C'est à la Bien Mix Party et ça débute comme ça. DJ Amina, numéro 1. La complice de l'été, destination de Dubaï, Miami, Marrakech. DJ Amina, son baba, à la même train. Alors bien 2014, DJ Amina fait bouger les garçons. Ton père, c'est le retour du soleil, le fait Il a 20 000 lourds. Alors là les gars, je suis pas trop rail, mais franchement, sortez que les rouillards. À la Bien Mix Party, ça ouvre comme ça l'album justement. Voilà. Voilà, bonjour. Pour retrouver un peu tous les sons, tous les artistes qui sont présents dessus aussi. Ouais. Tu veux citer quelques noms? Donc il y a évidemment ce soir, il y a Kaina, il y a l'artiste. Il y a Mister You, il y a Rimka. Mister You qu'on va écouter dans un instant d'ailleurs. Voilà, nickel. Donc il y a, ouais, j'ai pris un peu beaucoup de, il y a beaucoup d'artistes dessus. Canardo qui est dessus. Canardo, il y a LSK, il y a Tunisiano aussi, il y a Kalcha, mon grand frère, LSK, il y a qui d'autre? Zifou, Zifou. Ah ouais. Il y en a 30, donc c'est un peu normal. C'est vrai qu'il y a du monde dessus. Ouais, il y a Cynic, Soso Manes, Oriental Impact, Shabba Maria, il y a Fianso, Najim, Jay-Z, Blaz, le frérot Blaz, Lalim, Lil. Ouais, il y a un peu. Bon, alors, quelle est, entre guillemets, la ligne éditoriale que tu files aux producteurs, justement, autour du concept à la Bien Mix Party? C'est quoi les sons, les sonorités? Faut que ce soit un petit peu dry, de la funk? Ouais, c'est beaucoup, quoi. Ouais, sonorités sont beaucoup funk. Du côté de vers chez nous, en Bourgogne, ou même la région lyonnaise. Lyon, ouais, ils sont très forts là-dessus, ouais. Voilà, donc on a été bercé avec ces sonorités-là, et voilà, avec une petite touche rail, et puis voilà, quand c'est un peu du up tempo, quoi. C'est du 110, entre 110, 120, 128. Donc BPM. Plutôt soirée, ouais. Voilà. Plutôt pour ambiance soirée. Voilà, c'est ambiance soirée. On écoutera d'ailleurs un morceau qui s'appelle Anna Lyoma. Ça veut dire moi aujourd'hui. J'allais te demander justement, je voulais que Kaina traduise. Ah bon? Voilà, c'est toi qui fais les traductions ce soir. La traduction. Anna Lyoma. D'accord. Mais... Ça veut dire d'accord. Ça veut dire je suis tout à fait d'accord. Si tu es tout à fait d'accord. Bon, on écoutera ce morceau avec Mister You. Mister You et Albandi. Et Albandi dans un instant. Juste avant, il y a Tony de Chambly. Allô Tony. Allô? Ça va bien, Tony? Ouais, ça va, et toi, Fred? Ouais, tu connais DJ Amida? Ouais, j'ai un peu entendu ses projets, tout ça, c'est lourd. Merci bon. À toi, frérot. Et ben, il y a l'artiste qui est là aussi avec nous ce soir, Kaina Samet qui est là aussi avec nous. Ah, salut, Tony. Salut tout le monde, salut Kaina, salut l'artiste. Salut. Prêt à rapper maintenant, Tony? Ouais, on est prêt, toujours. Et ben, coup d'envoi, c'est l'heure du freestyle par téléphone. Ok. Ah. Ok. Phase F A A Z H sur Facebook. Ok. Skyrock, Kaina Samet, DJ Amida, l'artiste. Yeah. Arza. Si je dors à point fermé, c'est que j'ai gardé les yeux ouverts. Intouchable et inaccessible, je suis car je suis dans mon univers. Méfiez-vous de l'eau qui dort, mais surtout de celle en ébullition. Du revolver, chaque soir je me couche sur une montagne de munitions. Tant que cette planète me portera, elle subira ce que j'ai à dire. Je suis pas le nombril du monde, c'est vrai, mais je suis celui de ma vie. Mon cœur a transféré son sang dans le blanc de mon regard. Les faux sont localisés et ciblés, ils ne m'échapperont pas. Ennemis signés par cicatrices sur chacune de mes mains. J'emmerde vos vies factices, moi je vois la mienne en grand comme un nain. J'emmerde vos petites âneries, j'emmène vos petites amies sur mon voilier et ma feuille, je jette l'encre inspirée de piraterie. J'arrose la haine de peau de fleurs car je suis à fleur de peau. N'essayez pas de vendre ma peau avant de réaliser que j'ai fait la vôtre. Les gens bavent mais ne savent même pas aligner trois lettres. Donc si tu ne m'aimes pas, revois tes bases et va niquer ta grammaire. Freestyle sur Sky sur une instru plus que mythique que je dédicace à Kaina Samet et bien sûr Amida l'artiste. Ma goal est violente comme l'artiste la calcaire. Les rappeurs sont tous d'accord. Le rap c'est comme un sac, pour certains un sac d'oseille, pour d'autres un sac de frappe. Le silence rend beau, donc imagine la gueule de ceux qui ragent. Le schlass de Rambo leur coupe la queue, donc c'est normal qu'ils boivent. Arza. Ma destinée, la vérité, tu peux pas imiter. C'est pas la peine. Ok. Bon, c'est bon, plus t'as gratté. Lourd, Tony. T'as gratté le featuring Revival avec Kaina. Ah c'est un rêve là. Merci beaucoup, tu déchires, bien joué. Ah bah merci beaucoup. Franchement, bonne écriture, ouais. Hein, franchement, bravo. Ouais. Moi je dis, est-ce que merci. Tu fumes la chicha électronique? Est-ce que tu veux tester, Tony? Je fume pas ça, mais je peux la prendre et puis en offrir. Bah, offrir, ouais. C'est bien aussi. Ouais. Pas obligé de t'y mettre, hein. Voilà, si t'as envie juste d'offrir. À Kaina, ouais, oui, toi t'y vas. Chicha. Oh, écoute. Un petit coup de chicha, laissez-leur. De temps en temps. Bah ouais, c'est l'apéro chicha. Ouki, Royal, on t'envoie ça du côté de Chambly, c'est pour toi. Ok, bah c'est parfait. Bah merci beaucoup à tout le monde. Et puis grosse dédicace parce que bon, DJ Amida, l'artiste, bah je suis un petit peu, mais Kaina Samet pour moi c'est une icône. Donc un gros big up pour elle. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Si je peux avoir d'ailleurs une petite dédicace, ça ferait plaisir d'elle. Sur la chicha électronique. Voilà, ça marche, pas de problème. C'est gentil, merci beaucoup en tout cas, merci pour la force. Bon courage pour la suite, Tony, on peut te retrouver sur le net quelque part? Ouais, on peut me retrouver donc sur mon Facebook. Alors c'est tout simplement F-A-A-Z-H, il y a deux A. Ça roule, bon, on va suivre ça. Eh ben merci beaucoup l'équipe, gros big up à vous. Merci à toi, bonne continuation. Merci à toi et bon courage pour la suite, Tony, à l'instant en freestyle dans l'émission. Ah, c'est toi, c'est quoi ce truc? C'est la chicha. Là où tu. Ouais. D'où il vient celui-ci? Un nuage de fumée me convient. Anna Lyuma, on l'écoute maintenant un petit mot sur ce morceau? Un petit mot sur et la connexion entre Mister You et Albandi? Mister You et Albandi, ça s'est fait grâce à Bim Bim, mon pote Yacine. Et puis ben voilà, ça s'est fait. On est parti au studio, j'ai fait écouter la prod. Il a kiffé. T'avais une idée précise de ce que tu pensais, ce qui pouvait correspondre à, à Mister You et Albandi? Ouais, il voulait un peu un délire up tempo. Et puis ben, en plus, c'est qu'il est très très fort. Lui, c'est qu'il rappe en arabe. Il est fluide. Donc c'est très très bien pour un rappeur français. Et voilà, ça s'est fait sur le tas. Et rappelle-nous ce que veut dire Anna Lyuma. Ça veut dire moi aujourd'hui. Ouais, moi aujourd'hui. C'est bien Kaina. Ouais, puis il y a le clip aussi. Donc après, tout à ça, on est parti tourner le clip. Il y a le clip, mais déconnecté aussi. Il y a le clip. Il y a plein de clips. Il y a plein de clips en fait. Ouais. Ah ouais, non, mais je suis quelqu'un qui clip beaucoup. Qui clip beaucoup, ouais. Donc, et celui-ci, on peut le mater aussi, Mister Yuma? Ouais, ouais, il est disponible sur YouTube, Anna Lyuma. Et voilà, on va se taper le son maintenant. C'est extrait du projet La Bien Mix Party qui est dans les bacs depuis le 2 juin. صار عيد تداوديه سطات برشيد كازاخ محمديه كراش حل زباده ولا سلميه ولاد بن حمان عايشين بالنيه البون دي ميستيريو تيجي حميده علاش فرتي موتور يعطيك صيدا ولاد كازا صحاب دار بيضا هزو ديكم اليوم نايضه واش تاع قنيطره ممكن نسو فاس نطلع للسماء باش نتنفس ولا بوده خاطر بيبي بلا تجيب مهدي ولا ياسين انا اليوم مع جيجي حميده انا اليوم مع البودي انا سميتي يوكا تاكا وفينا فينا اخواتي انا اليوم مع جيجي حميده انا اليوم مع البودي انا سميتي يوكا تاكا وفينا فينا اخواتي يا البابور يا مونا وفينا فينا اخواتي نعطيوني الفيزا والباس وفينا فينا اخواتي شتو باك لغاب un fond d'audia, mon vrac matimatra même, j'ai de la Belgia, piscine, villa, robot dans un riad, vodka, whisky, 3 kilos de grillade, mida au platine avec qui on fait la gif, des pompes platines, des pompes juripes, c'est la fête jet set, bouteille rosée, la bête étalée et le nécrosé, on est heureux en tirant l'air, strat fantasia, fais-moi une danse du vent, bouge ta charma, voici le halla, soir ce c'est hammi, maman n'aime pas ce que vend hammi. انا اليوم مع جيجي حميدة انا اليوم مع البودي انا سميتي يوكا تاكا وفينا فينا اخواتي انا اليوم مع جيجي حميدة انا اليوم مع البودي le clip est dispo la famille sur youtube انا اليوم مع ميستر يو البودي اي اي اي يا البابور يا مونا وفينا فينا اخواتي معطيوني الفيزا والباس وفينا فينا اخواتي بدي وانا الملاح فك لي خداش راشد لاكوتي جير نروك في الليل ديديكاس البودي روني سوبوا 9-3 aïe. À la bien mix partie dans les bacs, la famille. Aïe aïe aïe. DJ Hamida. Aïe aïe aïe. Dans les bacs, dans les bacs. L'artiste Kaina Samet, Mister You Albandi, Anel Yuma. C'est depuis le 2 juin dans les bacs. Ouais, c'est à la bien mix partie avec DJ Hamida qui est notre invité toute la semaine entre 20h et 21h. Par contre, là, il va falloir aller bosser, mon pote. Allez au platine. T'étais bien, t'étais posé. Mais il va falloir aller au platine maintenant, puisque c'est l'heure du live. J'y vais, j'y vais. Tu y vas tranquillement. Donc, on va faire quoi derrière ? Dis-nous, par contre, ce qu'on va faire dans la vie. Quoi. Il y a un petit mix de ta part, il y a du live avec Kaina, avec l'artiste. Donc, je vais balancer un morceau avec l'artiste, on va faire du live, le Dangerous. Et après, on va refaire le déconnecté en live. Ah ! Donc, voilà. Vous voulez que je fasse la partie de Rimka ? Ouais. Non. Qui parle fait. Non. C'est comme ça chez nous. Non, j'ai mis les bagages. Dans j'ai pas vous. Ça se passe bien pour aller bien mix party. Je vais pas les casser ses ventes pour l'instant. On écoutera donc du live avec avec vous deux, avec Kaina, avec l'artiste qui sont là entre 20h et 21h sur Skyrock. Ouais. DJ Hamida, est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on peut y aller? Hey. Toi, tu es prêt aussi? Faut aller voir le clip aussi de Déconnecté. Ah bah oui, soit dit en passant. Mais c'est une très bonne Rolly idée. Rolly le cuistot nous fait des des bonnes grillades, non? Eh bah allez-y, allez cliquer. Ouais. Et profitez quand même du live aussi maintenant sur Skyrock avec Kaina et l'artiste. Yeah. Et DJ Hamida au platine. Ouh. Ouh. Baba bang bang. DJ Hamida, attention. Elle est moins. Se laisse prendre par la taille. Elle assure le spectacle. Par ici la Dangerous. Woo. Dangerous. DJ Hamida. Elle est dangerous. Hey. Dangerous. Dangerous. Elle et moi on s'évade. Si on reste on s'égare. Quel est ce monde où l'amour sépare? Elle m'a répondu je sais pas. Ta tête en pied tu es le goûter. T'es fait pour moi non plus douter. Mais si tu laisses les hommes passer, passage clouté. Tu wine wine t'assures, tu maîtrises. Minimum le S-line sinon tu méprises. Tu gères ton corps comme une entreprise. La nuit t'appelle, t'es sous son emprise. Elle aime faire la fiesta. Se laisse prendre par la taille. Elle assure les spectacles. Par ici là. Dangerous. Dangerous. Yeah. Elle est dangerous. Hey. Dangerous. La et quand je la regarde, dans ses pieds vers la star. Serais-tu l'ange de mes cauchemars? Elle m'a répondu, je sais pas. Tu m'as rendu, c'était dans mon bouté. Parce que tes femmes sont redoutées. Yes. Mais si tu laisses tous les hommes toucher, tu ne seras plus velouté. Tu wine, t'assures, tu maîtrises. Minimum le 4 étoiles, sinon tu méprises. Au fond de ton cœur, c'est vraiment la crise. La nuit t'appelle, t'es sous son emprise. Elle aime faire la fiesta, des favelas à la villa. DJ Hamida, depuis le 2 juin, dans les bacs, elle a bien mix party. Baby. Dangerous. Yeah. Dangerous. La dangerous. Dangerous. Dangerous. Dangerous. Zizi, grosse dédicace à Vesoul et à Renato Villebelle. DJ Hamida ou Oula. Sur Sky, sur Sky. Écoute ça, écoute ça. Kaina est là. Partir et jeter la clé. Je dis j'ai besoin d'air. Couper mon phone et me barrer tout l'été. Ouais, moi je veux voir les visages briller. Aller voir mes potos qui fait l'odeur de la viande rillée. Et danser chez vous, pousser les meufs, tout le monde. Je me suis déconnecté. J'ai laissé tous mes problèmes de côté. Je me suis déconnecté. Je mettrai ce répondeur tout l'été. Et j'écouterai du Diggy, du Mila. Hey, posé au bord d'une piscine, je ferai la belle comme Beyoncé. Ne l'appelle pas, je suis pas là. Je désactive mes comptes, tu es avec mes gars. Je suis sous le soleil et je me calme. Sur ne m'appelle pas, je suis pas là. Je désactive mes comptes, tu es avec maman. Je suis sous le soleil et je me balade. Je fasse mon pas, c'est mon dit. Big up à Rimka. Je suis sous le ciel gris de Paris. Mais je veux la même vue qu'à Bali. Le quotidien m'a rendu écrit. Je démarre la caisse. Les vitres et les lunettes fumées au feu rouge. Je veux toujours une petite pièce. Je débranche Twitter, Facebook, tout ce qui casse la tête. Dans le sud de l'Espagne, je pars faire la sieste. Ne m'appelle pas, je peux plus. Un peu de weed, un peu de jus, je suis frais, je me fais bronzer les plumes. Je coupe le son et l'image, je fais un bisou au village. Je me suis déconnecté. J'ai laissé tous mes problèmes de côté. Je me suis déconnecté. Je mettrai ce répondeur tout l'été. Et j'écouterai du Biggie, du Rtuda pour m'ambiancer. Posé au bord d'une piscine, je ferai la belle cambiance. Ne m'appelle pas, je suis pas là. Active mes comptes, tu es avec mes gars, je suis sous le soleil et je me balade. Ne m'appelle pas, je suis pas là. Active mes comptes, tu es avec mes gars, je suis sous le soleil et je me balade. Le téléphone fait que sonner, désolé, je suis pas là. Et gros amour, tu vas parler, pour ton matin t'es malade. Et aujourd'hui, Didier Hamida est sur Sky, me tire d'ici. Ne m'appelle pas, je suis pas là. La la la la la la la. Je désactive mes comptes, je suis avec mes gars. Je suis sous le soleil et je fais le hala. Ne m'appelle pas, je suis pas là. La la la la la la la. Je désactive mes comptes, je suis avec mes gars. Je suis sur Sky avec Hamida. Je suis sur Sky avec Hamida. Yeah. Ouh. Et un. Ok. Ah bon? L'artiste baby. C'est Hamida. Attention. Ok. C'est l'artiste baby. Remettez. Eh, ambiancez-vous chez vous. Poussez les mains. Tout le monde. Ok. Comme un de ethnie. Victoria's Secret. Le bouteille de Sunny. Ton style et les sites. Quand tu m'envoies des photos, je zoome sur tes fesses. Je suis avec mes potos. Ramène toutes les tigresses. Fais pas ta Beyoncé. J'ai pas le compte à Carter. Tu vas venir penser. Je ne dure pas qu'un quart d'heure. J'aime quand tu danses la zumba. Genre t'es de ça au polo. Mais mon pote c'est un rumba. Parce que t'es une joroto. Le ramadan est fini. tu peux refaire ta folle. Enchaîner les carrettes si et les bouteilles d'alcool. Je te paye un jean Philippe plein. Mais ma chérie, faut le remplir. C'est toi quand t'en finis pas. Pas un euro, je vais sortir. Au pire, il me reste mes mains. Et des photos de Rihanna. Quelques rouleaux sont pas là. Et je suis à bout à Ghana. J'ai Jeremy Dagen à sa messe, l'artiste sur Skyrock. Oliva, Oliva, on a bien mix parti dans les bacs. Depuis le 2 juin, À l'instant en live dans Planète Rap avec l'artiste et ce fameux morceau Remettez ouais. qui a fait beaucoup parler de lui. Ouais, c'est tiens, vrai. Récupère juste l'autre micro. Okay. Hop, voilà. Parfait. Yes. Donc ce morceau, et puis il y avait aussi le déconnecté que vous nous avez fait en live. Ouais. Ouais. À l'instant avec DJ Amida au platine entre 20h et 21h. Avant de se quitter, on finit peut-être avec un dernier morceau, messieurs. Si vous n'avez pas envie, tant pis. Hein. Ah, bah si, hein. Il y en a 30. Il y en a bien. Il y en a bien un que. Le, temps bien... que le temps que monsieur s'installe. Tiens, regarde. Hop. Allez, tu vas choisir le dernier morceau, Mida, lequel il faut absolument écouter quand on a la bien mix party. Bon, tu vas me dire tous. Tu vas me dire tous, mais en particulier, s'il y en a un qu'il faut mettre parmi les premiers à écouter. Rimkus, le Bilkus. Ah, Rimkus, roulement de tambour. Très, très gros consultant là. Non, non, peut-être. Oula. J'étais pas entendu en fait. Pardon. Ah mais c'est pas grave, on va mettre un extrait de l'album, c'est pas grave, allez. Un extrait, alors, tranquille, il y a des gens qui mais bien ton casque, Amida. Qu'est-ce qu'ils demandent les gens, Amida, qu'est-ce que vous demandez? Ouais, vous alors si vous avez l'album, dites. Il y a 00212. Ça c'est Kalcha. 00212. La guerre des bouteilles, celui de LECK. Tous les sons sont bien, c'est ça qu'on voulait dire. Ah oui, je vois que c'est compliqué pour choisir un morceau. Ah ouais. Allez, c'est parti, on en met un. Vas-y, on met Zifou tranquille la live. Pardon ? Zifou tranquille la live, ouais. Yes. On allez. Va mettre un extrait. Allez, c'est parti maintenant sur Skyrock. Que tape-toi, Faouzi. J'ai quitté le sol français. Dans l'avion, je suis défoncé, pressé. Devant mes thunes s'envoler. Pas d'heure, pas de gaine, on va tout claquer. Mon équipe est préparée. T'inquiète, on va allumer les boîtes, les chiches à tout cramer. Après cette guerre, on sera validé. Dubaï, Marrakech. Prends ton billet en balle. Rejoins-nous que si t'es fraîche. Je sais que tu m'as kiffé. T'aimerais t'en m'épouser. En fait bébé, je pourrais pas me poser. Tu risques d'entendre papa ou t'es. La route, loin des emmerdes. Tranquille la life. Je vais pas danser, mais je t'offre un verre. Tranquille la life. Tu vois des sous, mais tu m'es cher. Tranquille la life. Elle s'est mariée, je peux plus lui plaire. Tranquille la life. J'ai quitté mon taf de merde. J'ai plus rien à perdre. Cet été j'ai des sous à faire. Je fonce dans le noir mais j'y vois très clair. Posé dans le VIP je gère. Lève tes mains en l'air. Comme en show j'enlève mes affaires. La gonzo finira par terre. Tranquille la life. Dakar, Phuket, Hammamet. Je croise la fille que j'aime. Elle veut fumer, je l'emmène au set. Hello, c'est le Marocco. Oh la chica, viens faire un tour dans mon vaisseau. Dans la route, loin des emmerdes. Tranquille la la, j'ai pas dansé, mais je t'offre un verre. Tranquille la la, tu vois des sous, mais tu m'es cher. Tranquille la la, elle s'est mariée, je peux plus lui plaire. Tranquille la la. J'ai quitté les tours de ma caisse. Ouais j'oublie la hesse. Quand on sort toi tu n'es hesse. DJ Hamida dans la caisse. J'ai passé la nuit sur toi. Mais je m'en souviens pas. Sandra, Sarah, Samantha. Oublie-moi je t'ai vu que sur Insta. Tranquille la life. Saint-Tropez quand même quand je fesse. Champagne, Hellel. T'es pas rap, ta cache, tes fesses. Hello, c'est le Marocco. Oh la chica, viens faire un tour dans mon vaisseau. Dans la route, loin des emmerdes. Tranquille. la life. Je sais pas danser, mais je t'offre un verre. Tranquille la life. Tu me dois des sous, mais tu m'es cher. Tranquille la life. Elle s'est mariée, je peux plus lui plaire. Tranquille la life. Prends la route, loin des emmerdes. Tranquille la life. Je sais pas danser, mais je t'offre un verre. À la bien mix party, c'est DJ Amida avec Zifou à l'instant sur ce morceau. C'est ce qu'on écoutait pour conclure ce premier Planète Rap ce soir. Merci Amida. Y a pas de problème, avec plaisir. Merci de nous recevoir. Merci à Kaina d'être passé. Merci à toi Fred, c'est toujours un plaisir. On t'attend le 22 septembre cette fois-ci. Le 22 septembre, voilà. Thug Wife. Exactement. Dans les bacs, à pas louper. Voilà. Et toujours en précommande peut-être aussi, on peut toujours précommander ou c'est pas encore lancé? Si la Lila Loom. C'est pour Kaina, on peut précommander ou pas encore? Ah, pas encore, pas encore. Ah, voilà. C'est ça va tôt. Venir. Ça arrive. Ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, enfin, on va communiquer comme d'habitude, quoi. Merci à tous ceux qui me soutiennent. Aujourd'hui, c'est Didier Hamida. Cet été, ambiancez-vous, ça fait du bien. Merci à toi d'être venu, merci à toi d'avoir participé à la compil. Avec grand plaisir et on remettra ça. Pour le volume. Ouais. L'année prochaine, 2015. Merci à l'artiste aussi d'être passé. Merci à toi, Fred. Merci encore, Didier Hamida, Kaina. Bah, c'est la famille, hein. Ouais. Franchement, c'est la famille. Et puis, je vois ça avec Hamida depuis 4 ans maintenant. Ouais, 4 ans. Sur chaque édition qu'il m'a proposé, j'ai essayé de faire des bons titres. Et franchement, ça fait du bien de bosser avec lui. Il y a des répercussions, c'est ça qui fait plaisir aussi. C'est que c'est quelqu'un qui donne vraiment, qui tend vraiment pour les autres artistes. Il y a 30 titres là, il y a plein d'artistes, pas mal de gens talentueux. Et c'est ce mec-là qui les réunit, voilà quoi. Merci, merci à toi. Toi. Et franchement, c'est vrai que c'est pas évident de réunir plein d'artistes sur toi-même, tu sais. Et Hamida, il est bonne vibes, il est passionné, il est pro. Donc c'est un bonheur pour c'est facile de travailler bosser avec lui. Ouais. Ouais. Donc voilà. Et tu es tout rouge. Tu es c'est très la réverbération de la table. Ou pas hein? Ouais, beaucoup. C'est des choses qui touchent, je suppose. Ouais. Ouais, bah, non, c'est sincère. Bah, je me suis déchiré à fond sur ce projet, donc. Donc ça paye. Ça paye, comme voilà. On dit. Et puis les gens qui suivent aussi ce projet. Ouais, donc, carrément. Ouais, sur les réseaux sociaux, ça suit de partout. Gros big up à toutes les teams. Ouais, la team DJ Hamida, la team l'artiste, la team Kaina. La team Kaina, ça va être lourd. Avant de se quitter, on fait tourner la roulette, c'est parti. Skyrock t'offre les premières places pour la première tournée française de Black M. Salut Sarah, du côté de Nantes, ça va bien Sarah? Salut, bonsoir. Bonsoir, bienvenue, tu es prête à faire tourner la roulette Sarah? Oui, je suis prête. Allez, c'est parti, une nouvelle semaine avec des places pour aller voir Black M à la rentrée. Tournée Skyrock dans toute la France. Dès que tu veux, tu dis stop. Et la roulette qui va s'arrêter pour toi sur la case Sarah, c'est... Et ben voilà, c'est deux places pour aller voir Black M à la rentrée. Sarah, tu y seras. T'as deux places pour le concert et la tournée de Black M déjà. Énorme, énorme. Oh, je vous remercie vraiment. Et ben passe une bonne soirée, Sarah, ça fait plaisir. Merci, je peux passer une petite dédicace. Ouais, vas-y. Je voulais juste dire à Betty, c'est bon, on a nos places maintenant, il n'y a plus qu'à. Et puis faire un gros bisou à tous ceux qui me reconnaîtront, à Stéphanie et à mon doudou que j'embrasse. Eh ben merci à toi Sarah. Toi t'es quoi, tu fais? Non, j'ai demandé, t'as pas eu d'examen aujourd'hui comme il y a eu le bac? Non, je suis étudiante, je finis mon master 2, mais non. Ah oui, toi t'es un master. Ça y est. Ouais, fini. Vous avez pas médité sur le sujet de philo là? Ouais, j'ai pas vu le sujet, c'était intéressant. Il y en a un qui devrait te plaire. Ah bon? Ouais. Dis-moi. C'est les artistes sont-ils propriétaires de leurs œuvres? Non, c'est quoi? Il y a un truc comme ça. Ah, je te regarde, Tom, c'est vrai que t'as pas passé ton bac aujourd'hui, femme. Ouais, non, c'est les, les artistes avec leurs œuvres. Enfin, il y a un truc comme ça, ouais. D'accord, bah je regarderai, ouais. Bon, ouais, peut-être qu'il va falloir moi je m'y remette aussi. Parce que... Ouais, on va essayer, un petit 4. Fredo, il est trop fort, il comprend même pas le sujet. Non, c'était quoi? Ah non, j'en sais rien, moi. Qui est très intelligent. Ah non, bah je suis pire que toi, Fred. C'est Marie qui sait. Marie, je suis sûre. Tu sais bien, Kaina, tu me connais. Bah ouais, non, mais je connais pas tous les sujets, j'en connais un. Consultante mais... en éducation nationale. Ouais, mais bien sûr, c'est bien connu. Ah, trop fort, nous. Hein. Ou alors Cédric. Cédric, ouais, mais Cédric, bien sûr. Ouais, bah ouais. Encore mieux. Pas de soucis. On est dedans, là. Merci, Cédric. De rien. Ah, l'artiste est-il maître de son œuvre? Waouh. Ça m'est revenu d'un seul coup, non, merci. Skyrock World qui a envoyé ça. Skyrock World. Alors, est-il maître de son œuvre? Non, alors, sur Twitter en plus. Il y a quelqu'un qui m'a dit tout à l'heure. L'artiste est-il maître de son œuvre, puisqu'on a l'artiste avec nous? Ouais, on a l'artiste. Est-ce que tu es maître de ton œuvre? Non, à partir d'un moment, dès qu'il y a le succès, je pense qu'un artiste n'est plus maître de son œuvre. Ça le dépasse. Pas mal. Ah, on développe le sujet de philo, là, ça y est. Ah, ouais. Moi, je pense que... C'est beau. Ouais, c'est bon, on a fait philo pour l'année, là. T'es maître de ton œuvre quand tu crées et tout ça, mais après, au bout d'un moment, ça t'appartient plus, je pense. C'est le public qui décide. Voilà. C'est vrai. Tu as raison. Le peuple. C'est d'ailleurs sur ces bonnes paroles que l'on va se laisser. Parce que moi, là, ça a chauffé d'un seul coup. Là. Ah, Fred, il a mal à la tête. Ça va fumer, fais gaffe. Voilà. La fumée de la chicha, elle va sortir par les oreilles. Ah, c'est voilà. Ça, ouais. C'est ça, ouais. Elle sort de partout, là. Ça sort par les oreilles, vous savez. Grave. Bon, bah, merci en tout cas à tous les deux. Merci, Kaina. Et demain, ouais, pour la suite du Planète Rap. De Didier Hermina. Et oui, demain soir, à pas louper, entre 20h et 21h. Il y aura le match de l'Algérie en plus. Aussi. Ah ouais. 1, 2, 3. Vive l'Algérie. On verra ça ce soir. Bon, bon désolé. Désolé pour les Portugais, on va y revenir dans un instant. Ah, là. Ah ouais, les Allemands, ils ont été chauds là. Oui, ça a été chaud, les Allemands. Sur l'autoroute, ils ont plus de puissance, les Allemands. Oui. Ils sont bouillants, les Allemands. Pas grave, vous. Bon, on en reparle ce soir, évidemment. Puis dans un instant, avec vous tous et vous toutes, en direct, vous nous appelez si vous voulez débarquer dans l'émission. Et demain, Planète Rap, dès juste avant 20h. Voilà, exact. Voilà, c'est parti. Gros bisous, Kaina. Gros bisous, Marie. Salut, Kaina. L'équipe, ciao, à demain. Ciao. Et Radio Libre, ça arrive tout de suite. Envie de mater la coupe du